se tient au-dessus du lit d'un président ou d'un menuisier, d'un enfant qui s'est endormi et de beaucoup qui l'ont oublié. Toi, tu as parlé de lui à ton fils, tu lui as dit moi je n'y crois pas. Quand il faudra que tu choisisses, tu feras bien ce que tu voudras. Il est ce que la terre a porté de plus beau, l'homme de Nazareth. Pourtant, il est ce que la terre a porté de plus beau, l'homme de Nazareth. Toi, tu avoues bien sûr qu'il a vécu, mais tu dis que c'était un rêveur, le plus grand magicien connu, le roi des prestidigitateurs. Et même s'il a dit la vérité, alors tant pis, on n'a qu'une vie, la terre ne pourrait plus tourner si tout le monde était comme lui. Passager qui a la terre pour navire, quelquefois laisse-le te conduire, tes épaules portent un poids trop lourd. Toi le passager, regarde ta ville est une jungle, ton cri d'amour n'est plus qu'une plainte, jette vite ton fardeau et cours. Près de lui tu seras léger comme un oiseau, près de lui tu seras léger comme un oiseau, près de lui tu seras léger comme un oiseau. Pense à lui et tu deviens léger comme un oiseau.